côté ou belle c'est vrai mais ça pas gâte même sentiment si romance ça va mêler habillé des amis et puis si doit pas finir tes côté le père a dépensé quand je comprends amour et libre la pente à l'essirer ma vie pour pas civiliser ou amuser faire pour bon marché que je te connais toi vent ou bigo passé pour tao bagayo balé chéri ou mère ou pas sexy bagayo balé ou amti ou ton bois près du comme Montréal, yo, parrain mes bien, yo, mes chats souffrent, yo, toujours à plein. Comme Miami, yo, beaucoup d'affaires chevées, Silicon va parler, yo, sorti Panama. Comme Bétionville, yo, yo, remé artiste, yo, fait pour relation, et yo, remé l'épée. Comme Balaville, yo, remé machin pépé, yo, personne n'est femelle, yo, parrain mes blodés. Yo, dis nec Bétionville, Dieu, Dieu. Bien, je te connais, toi. Vent ou bigo, passe, boutao. Chéri ou mec ou pas sexy bagayo balé ou amti ou ton bois près du vin bagayo balé ou baga pour moi paille de fri bagayo balé tourne gaelina gaelina batte na ya passez-vous d'un.